entre dans la nuit. Deux destins attendent ta voix. Joseph écoute derrière les barreaux ce que le ciel murmure déjà. L'un est relevé, l'autre s'éteint. La parole s'accomplit sans détour, mais l'oubli retarde la délivrance. Quand le souvenir se perd au retour, les délais n'annulent pas ce que tu as révélé. Même quand l'oubli s'installe, ta parole veille encore. Même quand la porte tarde à s'ouvrir, tu travailles l'intérieur plus fort. Même quand l'oubli s'installe, ton temps n'est jamais en retard. Tu prépares le cœur au jour précis où la clé change de